Remarque numéro 10, chapitre 14, interférence. Interférence. Sur le concept de l'interférence. Avec une définition, vous allez définir l'interférence. Mais le premier chose, c'est l'interférence, c'est la distance. Il y a une distance qui sépare deux franges consécutives de même nature. Il y a une figure d'interférence. Nous, les franges d'interférence sont équidistantes. Il y a une frange brillante par une frange sombre, frange sombre par une frange brillante par une frange sombre. Il y a une frange brillante par une frange brillante par une frange brillante. Le massif est bien étant, c'est ma interférence. Il y a même deux franges obscures par une frange. C'est ma massif est interférence. Il y a une frange. La distance qui sépare deux franges brillantes consécutives, c'est la même distance qui sépare deux franges obscures consécutives. Cette distance, notre alaya ism, interfrange. Imita, je vais en arriver, imita, sur l'expression de l'interfrange, c'est le I égale lambda D sur A, lambda longueur d'onde, ou D distance, ben le dispositif de Young, distance, ben l'écran de deux fronts, l'écran d'interférence, ou A, il y a la distance, ben le F1 ou le F2. Distance ben, n source F1 et F2. Comment vérifier cette formule I égale lambda D sur A? Bikul basata, nous allons la frange est brillante, mais merci non, yani brillante. Bikul I égale xk plus 1 moins xk. Nous sommes la formule de xk, de la frange est brillante, qui est lambda D sur A, ou nous sommes la I, qui est lambda D sur A. Ou nous avons dit, mais c'est fait, n'est une frange sombre, ou à la pardon, n'est une frange sombre. Mais nous, xk plus 1 moins xk, quand même, c'est chier, parce que nous avons xk à la mine, la 2k plus 1 lambda D sur A, avec la frange sombre. Quand même, nous avons la natige zeta, et nous, l'interfrange lambda D sur A. C'est un résumé, il est bien le mot de là, et nous définissons l'interfrange, c'est la distance qui sépare deux franges consécutives de même nature. Sous l'expression de l'interfrange, le I égale lambda D sur A.